إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى والإعراض عنها طريق الشقاء عباد الله اعلموا أنه إذا مات المسلم يجب أن تجتنب بعض الأمور أولا يا عباد الله يجب حمل الجنازة واتباعها وذلك من حق المسلم على المسلمين وجاء في أجر من فعل ذلك فضل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بيتها وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين رواه البخاري ولا يجوز يا عباد الله أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة ومن ذلك رفع الصوت بالبكاء وإتباعها البخور ويلحق ذلك رفع الصوت بالذكر أم بدعة لقول قيس رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ثانيا الدفن فالمسلم يدفن في مقابر المسلمين والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة ويقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله ويستحب يا عباد الله لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض ليتميز فيصان ولا يهان ويرفع قبره من الأرض نحو من شبر ولا بأس بأن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير ويدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله ولا يقرأ يا عباد الله ولا يقرأ شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ويحرم البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها لقول جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم ثالثا يا عباد الله تشرع التعزية لأهل الميت والتعزية تكون بما يظن أن فيه تسلية لهم وكفا لحزنهم ويحملهم على الصبر ويعزيهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يستحضره وإلا فبما يتيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب رواه البخاري وينبغي يا عباد الله اجتناب أمرين الأول الاجتماع للتتيم وإن تتابع الناس عليه واتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء وإنما السنة يا عباد الله أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشي عباد الله que lorsque le musulman décède, eh bien il y a certaines règles à respecter. Premièrement, eh bien, il faut porter la dépouille mortelle et l'accompagner, la dépouille mortelle du défunt et l'accompagner. Et ceci est un droit que les musulmans doivent à leur mort et à leur défunt. Et une récompense énorme a été promise à celui qui respecte cela. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque accompagne la dépouille mortelle depuis la maison mortuaire » et dans une autre version, il dit « Quiconque accompagne la dépouille mortelle d'un musulman sous l'impulsion de la foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et reste jusqu'à ce que la prière funéraire soit faite sur le défunt, il aura un qirat. Et celui qui reste jusqu'à l'enterrement aura deux qirat. » Alors on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que deux qirat? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien c'est l'équivalent de deux énormes en bonnes actions. Et il n'est pas permis de réserver aux dépouilles mortelles un accompagnement qui est contraire à la législation musulmane. Comme par exemple, le fait d'accompagner la dépouille du défunt et pleurer à haute voix, et également la faire suivre dansant et prier également. Il n'est pas permis de prier à voix haute devant le corps. Ceci est une innovation. Selon Qayyis rahimahullah qui a dit, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désapprouvaient qu'on élève la voix pendant les funérailles. Et deuxièmement, lors de l'enterrement, eh bien le musulman, il faut qu'il soit enterré dans les cimetières des musulmans. La sunna veut que le corps soit introduit dans la tombe à partir de l'extrémité de la tombe et qu'il soit, le corps doit être posé sur son côté droit, le visage tourné, le corps du défunt dans la fente, disent bismillah wa ala sunnati rasulillah, ou qu'ils disent wa ala millati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il doit le mettre, il doit dire au nom d'Allah conformément à la tradition du messager d'Allah ou conformément à la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et également il est recommandé à celui qui se trouve au bord de la tombe de puiser du sable trois fois dans ses deux mains réunies et de les déverser sur la tombe après qu'on ait obstrué la fente du milieu de la tombe avec les pierres. Recommande plusieurs choses après l'enterrement, ya ibadallah. La première des choses, c'est d'élever la tombe légèrement par rapport au niveau du sol. La hauteur doit être d'un enfant, d'une coudée. Il faut éviter que la tombe reste au ras du sol. Il faut la distinguer afin qu'elle soit préservée et qu'elle ne soit pas banalisée. Et il faut l'élever d'un enfant par rapport au sol. Et on peut la marquer d'une pierre ou un objet similaire afin qu'on puisse enterrer bien des parents ou des proches à ses côtés. Et on peut y déverser de l'eau également afin d'en renforcer la cohésion du sable et d'empêcher l'éparpillement du sable qu'on a surélevé dans l'enfant. Et on se tient également au bord de la tombe pour demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse le défunt et lui pardonne ses péchés. C'est aussi également ce qu'il faut ordonner à ceux qui sont présents à ce moment-là. Selon le hadith d'Uthman ibn Affan radiallahu anhu, dans lequel il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fini d'enterrer un mort, il se tenait près de sa tombe et il dit, pour votre frère, et demandez qu'il soit raffermi, car il est en train d'être interrogé. Et on ne lit aucune portion et aucune partie du Coran au moment de l'enterrement devant la tombe. Il est interdit de lire le Coran au moment, eh bien, de l'enterrement et devant la tombe. Ceci est une innovation. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni le prophète alayhi salatu wa sallam, ni les compagnons radiallahu anhum, ne l'avaient fait. Et si c'était un bien, il nous aurait précédé dans cela. Il est également aussi interdit de construire autour de la tombe et de la blanchir ou d'écrire sur la tombe contenu du hadith qui est rapporté par Jabir radiallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'enduire une tombe de plâtre, de s'y asseoir et de construire quelque chose par-dessus. Et troisièmement, il est recommandé de présenter des condoléances à la famille du défunt. Les condoléances, elles peuvent être faites de toutes sortes. À partir du moment où est-ce que ça amène, où c'est de nature à consoler, eh bien, la famille du défunt et à atténuer leur tristesse et à les amener à rester patients, eh bien, c'est permis. Et on doit y employer, dans le meilleur des cas, les formules qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on s'en souvient. Sinon, on prononce de belles paroles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché, et à partir du moment que ces paroles ne violent pas la législation musulmane, eh bien, ceci est permis. Et il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, eh bien, dans ces cas-là, dans ces circonstances, quand il faisait les condoléances, il disait, alayhi salatu wassalam, à Allah appartient ce qu'il a pris, et comme lui appartient également ce qu'il a offert, et auprès de lui toute chose a un terme fixé, qu'elle reste patiente et recherche la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ya ibad Allah, pour terminer, il faut éviter deux choses. La première des choses lors des condoléances, c'est le fait de se rassembler pour présenter ses condoléances. Même si le rassemblement se constitue progressivement, il ne faut pas, eh bien, qu'il y ait d'attroupement pour les condoléances. Et également, il faut éviter la préparation d'un repas pour les visiteurs venus présenter leurs condoléances. La sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veut que les proches du défunt et ses voisins préparent pour la famille du mort de la nourriture suffisante pour ceux qui viennent leur faire leurs condoléances. Mais en aucun cas, ceux qui ont été touchés, eh bien, par le décès, les proches, par exemple si le mari d'une femme est décédé, ce n'est pas à la femme, eh bien, de faire le repas. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad askal bariyati ajma'in wa rasuli rabbil alamin warda Allahumma anil khulafai ar-rashidin alladhina qadhu bilhaqi wa bihi kanu ya'dilun أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واجعل ما اصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.